femme, on a le même sable. Voir tes yeux, tu sais que j'aime ça. Je voulais le monde, viens le prendre avec moi. Passe ta vitesse et ta main sur la mienne. Comme la chérie, t'es dans le sang. Je voulais te voir tous les jours près de moi. Je pense que vivre seul, oui, c'est pas pour moi. Crois-moi, c'est toi. Non, non, je suis pas un loco. J'en fais sans mes potos. J'passe à prendre pour faire un tour de moto. Kunti, la meilleure dans cette belle merde. Kunti, oui, blesse qu'à l'époque j'voulais bien faire. Kunti, la meilleure dans cette belle merde. Kunti, oui, blesse qu'à l'époque j'voulais bien faire. Chérie, je vois sur le rentier. Je pense à plus personne quand je tire. L'époque a changé, les meufs attirés par le skin. Les mecs qui veulent que bang bang, à million le deal. Et souvent ça fait brrr te voir. À l'ancienne, y'avait rien dans les poches. Mais j'étais aimé comme les princes de la ville. Aujourd'hui, c'est vrai, perdu le fil. Je suis le riche général de ma ville. Kunti, la meilleure dans cette belle merde. Kunti, oui, blesse qu'à l'époque j'voulais bien faire. Kunti, la meilleure dans cette belle merde. Kunti, oui, blesse qu'à l'époque j'voulais bien faire. Kunti,